إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça me fait très plaisir, alhamdulillah, d'être ici aujourd'hui avec vous et de pouvoir prendre quelques minutes pour discuter ensemble et parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va lire ensemble une conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est un des grands ulama de notre époque. Et le titre de cette conférence qu'on va lire ensemble, c'est Ash-Shumuliyah fil Ibadah. Ash-Shumuliyah fil Ibadah. C'est-à-dire la globalité de l'adoration. De prendre l'adoration dans tous ses différents aspects. Et donc, on va lire cette conférence ensemble et vous allez voir que, inshallah, elle est très bénéfique. Et en particulier qu'on est dans cette période du mois de Ramadan. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous de, réellement comprendre l'importance de ce que signifie al-ibadah pour nous en tant que musulmans dans l'islam. Donc, le Cheikh, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala nabiyyina wa rasul, wa sallallahu ala nabiyyihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin, amma ba'd. فإن العبادة شأنها عظيم وقد ذكرها الله جل وعلا في القرآن في مواضع متعددة تارة يذكر أنه خلق الخلق من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق الجن والإنس وإيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بالأرزاق كل ما يحتاجون إليه الحكمة في ذلك أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى فهو لم يخلقهم لحاجته إليهم لا ليتقوى بهم ولا ليتعزز بهم ولا لينتفعوه أو يضروه سبحانه وتعالى وإنما خلقهم لعبادته فعبادته نفعها لهم هم تربطهم بربهم وتقربهم إليه فيواصل لهم الإكرام والإنعام في الدنيا والآخرة فترجع فائدة العبادة إلى الخلق أنفسهم أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commence cette conférence sur l'importance de l'adoration en disant: louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, ses compagnons et sur ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, le Cheikh, il dit: sachez que l'ibadah, qu'on traduit en français par l'adoration dans l'islam, c'est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran. Parfois, il mentionne que c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. C'est-à-dire qu'il nous a créé pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui pourvoit la subsistance. ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Celui qui est doué de la force. Hein? Donc, c'est lui qui en fait qui nous nourrit. C'est pas nous qui avons besoin de nourrir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin de nous, mais plutôt c'est nous qui avons besoin de lui. La seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est qu'on l'adore. Et il nous a créé pour cette raison-là. Et cette adoration qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour nous-mêmes. Et c'est ce que le cheikh explique ici. Donc la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, et pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, et pour la raison pour laquelle il leur a donné leur subsistance, et tout ce qu'ils ont besoin dans cette vie, la sagesse derrière tout ça, c'est pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour son besoin à lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. Il ne nous a pas créés pour se renforcer lui-même. Hein, parce que nous, les êtres humains, on a besoin de gens qui soient avec nous pour nous renforcer, pour nous épauler, pour nous supporter. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour cette raison-là qu'il nous a créés. Il nous a pas créés pour qu'on puisse lui profiter en quoi que ce soit ou lui nuire en quoi que ce soit, puisque ça, c'est impossible déjà. Hein? On peut pas nuire en Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas nuire à Allah et on ne peut pas lui profiter en quoi que ce soit. Il nous a uniquement créés pour qu'on l'adore. Et le bienfait de cette adoration-là, elle revient à qui ? Elle revient à nous. Elle nous rattache à notre Seigneur. Elle nous rapproche de notre Seigneur. Et elle fait en sorte que on reçoit de sa générosité et de sa grâce dans la dunya et dans l'au-delà. Donc le bienfait de l'adoration, il est pour nous-mêmes et pour la créature elle-même. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui, il est al-ghani, hein? Il est le riche, c'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Et il mentionne un verset dans sourate Ibrahim, le verset 8, dans lequel il dit que Moïse a dit, si vous aviez rejeté la foi, vous tous, hein, ceux qui sont sur la terre, si vous rejetez la foi, vous tous qui êtes sur la terre, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est al-ghani, c'est lui qui est le riche, qui se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien ni de personne. Zul quwwatil matin fa inna Allah la ghaniyun hamid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche qui se suffit à lui-même et le digne de louange. Wa qala ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Il mentionne un autre verset qui est tiré de sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous rejetez la foi, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala peut bien se passer de vous tous. Hein? Peut bien se passer de vous tous. Et il n'agrée pas la mécréance de son serviteur. Hein? Et si vous êtes reconnaissant, ça il l'agrée de vous. Il l'agrée de votre part. Mais si vous rejetez la foi, il ne l'agrée pas. Toutefois, si vous rejetez la foi, vous ne pouvez rien lui faire comme mal, ou lui amener quelque chose pour le nuire en quoi que ce soit, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun besoin de nous. Hein? Si on fait du bien, c'est pour nous-mêmes. Taratan yadhkuru subhanahu annahu arsala ar-rusul wa anzala al-kutub min ajli al-amr bi'ibadatillah min ajli an ta'mur ar-rusul umamahum bi'ibadatillah wa tuballighuhum din Allah. Qala ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وأمروا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ونهوا عن الشرك وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا المنعم المتفضل الخالق الرزاق المدبر الذي كل الأمور بيده، هو الذي يستحق العبادة والذل والخضوع والانقياد والاستسلام. Donc le cheikh il mentionne par la suite, il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a envoyé ses messagers et qu'il a fait descendre ses livres pour ordonner aux hommes qu'on l'adore, pour ordonner aux humains de l'adorer, et pour que les messagers ordonnent à leur peuple d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que les messagers transmettent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 25 dans Sourate Al-Anbiya qui dit: et nous n'avons envoyé de messagers avant toi que pour dire, hein, ou bien accepter qu'on a révélé à ce messager de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les messagers avec le message de la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc ça c'est la signification de cette da'wah, c'est le tawhid. Tous les messagers d'Allah ont été envoyés avec ce message. Il mentionne le verset 36 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'ils disent aux hommes: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc tous les messagers sont venus avec ce commandement. Et ce commandement c'est quoi? C'est le commandement d'adorer Allah lui seul et de rien associer avec lui, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers sont venus pour dire aux hommes de l'abandonner et de le rejeter, et que c'est une adoration qui est fausse, et que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, al-mun'im, celui qui donne la grâce aux hommes, al-mutafaddil, celui qui donne sa grâce et celui qui donne de ses biens, celui qui est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne à chaque créature sa subsistance, celui qui gère tout ce qui se produit dans l'univers et toutes choses. Hein? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tient tout ce qui se produit dans l'univers, c'est lui qui le tient entre sa main. Et donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et c'est lui seul qui mérite qu'on s'humilie à lui et qu'on se rabaisse devant lui et qu'on se soumette à lui entièrement et qu'on lui obéisse entièrement. Donc le cheikh il dit: amma ghayruhu فلا يستحق العبادة لأن جميعهم مخلوقون كلهم خلقه سبحانه وتعالى وكلهم فقراء إليهم لا تليق بهم العبادة أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فالله أرسل الرسل لتعيد البشرية إلى هذه إلى هذا الأصل العظيم، وهو القيام بعبادة الله التي خلقهم من أجلها، وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والجن والإنس والملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، كل هؤلاء لا يستحقون العبادة، لأن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى وهؤلاء عباد. Donc le cheikh explique, il dit tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne mérite pas d'être adoré. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des créatures, tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite rien de l'adoration. Ils sont tous eux-mêmes créés et ils ont tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ne méritent rien de l'adoration. Hein? Ils ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers à l'humanité pour que l'humanité revienne à cette base, à ce fondement, à ce grand fondement, c'est-à-dire l'établissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la raison pour laquelle il les a créés, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il énumère une série de choses qui sont adorées par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses, il mentionne al-asnam wal-awthan. Al-asnam, ce sont les idoles qui sont sculptées, peu importe de quelle origine, de quelle matière elles sont faites, de pierre, de bois ou d'autres matières, c'est pas important, des statues en or ou autres, du moment que ce sont des statues qui sont des représentations d'êtres humains ou d'animaux ou d'autres choses. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-asnam. Et al-awthan, c'est qu'est-ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala également, mais qui n'a pas nécessairement une forme humaine ou une forme animale. Ça peut être autre chose. Donc la différence entre al-wathan et al-sanam, c'est qu'est-ce qui a été sculpté et qui a pris une forme humaine ou une forme animale et que les hommes adorent en dehors d'Allah. Al-wathan, et na'am, l'idolâtrie si on veut, et al-wathan, c'est plus large que al-asnam. Pourquoi? Parce que al-wathan, ça peut être un arbre, ça peut être une pierre qui n'a pas de forme nécessairement. Donc c'est plus large que le terme sanam. D'accord? Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de ce que les hommes ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut résumer ça pareil, comme étant l'idolâtrie, comme le frère l'a dit, hein? Ou bien en arabe al-shirk. Hein, c'est encore plus large comme terme, et puis ça englobe beaucoup plus de choses aussi. Parmi les choses que les hommes ont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les arbres. Il y a des hommes qui adorent des arbres et qui croient que certains arbres ont des pouvoirs ou des qualités divines, ou bien qu'ils peuvent guérir ou donner certains pouvoirs ou certaines choses. Hein? Il y a les pierres aussi que certaines personnes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des tombes, hein? Là où des saints ou des hommes pieux sont enterrés, ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui adorent des djinns, hein? Et dans certains pays musulmans, il y a des gens qui font des pèlerinages aux djinns, hein? Ils vont dans certains endroits, même dans des grottes ou dans des endroits très loin de la ville, ils vont dans certains lieux. Et ils croient qu'à ces endroits-là, il y a des djinns qui habitent, et ils vont faire des pèlerinages là-bas, et ils demandent certaines choses en échange de certaines offrandes ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de choses qui se font maintenant dans les pays musulmans. Alors, pas besoin de mentionner qu'est-ce qui se passe dans les pays non musulmans, c'est encore plus grave. Des gens qui adorent des djinns en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme les vaudouistes. Hein, chez nous en Haïti, on a des gens qui s'appellent les voudouisants. Ils adorent des djinns, shayatins, hein, et ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est du shirk. Hein. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prophètes comme des intermédiaires entre eux et Allah, des anges, des messagers parmi les messagers d'Allah, ou des prophètes parmi les prophètes d'Allah, et des hommes pieux et des hommes saints. Ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, et ils les adorent en dehors d'Allah. Dans certains pays musulmans, il y a des gens qui vont à une tombe où il y a un homme pieux qui a été enterré depuis des centaines d'années, et ils vont, lorsqu'ils ont une maladie ou lorsqu'ils ont un malheur ou lorsqu'ils ont quelque chose, hein, ils veulent avoir une guérison ou quoi, au lieu de demander à Allah seul, le créateur, le pourvoyeur, le maître de l'univers, il demande à une créature. Il demande à une créature qui a été enterrée, qui est morte depuis des centaines d'années, de leur pouvoir une guérison, ou de leur donner une subsistance, ou de leur donner quelque chose dans leur dunya. Et ça, c'est des exemples également de shirk qui sont pratiqués de la part de certains musulmans, ou de certains qui se prétendent musulmans, Allah al-Musta'an. Parce que celui qui pratique le shirk, il a quitté la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna thalika lima yasha. » Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk, qu'on associe quelque chose avec lui dans l'adoration, mais en dehors de ça, hein, il pardonne à qui il veut les autres péchés qui sont moins graves que le shirk. Mais le shirk, il ne pardonne à personne. Si quelqu'un est mort sans se repentir du shirk et sans revenir au tawhid, alors il ne sera pas pardonné, il sera à l'enfer pour l'éternité. Et donc c'est grave. C'est très grave. Qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans? Et ça, c'est pas dans un pays en particulier. C'est dans la majorité des pays musulmans, dans tous les pays musulmans. Et on voit des gens parfois dans les pays musulmans qui font des manifestations pour des différentes raisons, yani. Hein? Et on sait que l'islam, il nous a pas enseigné de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, l'islam ne nous a pas enseigné de faire des manifestations dans les rues, puis de faire du bruit, puis de casser et de briser les choses. Mais s'il y avait une chose pour laquelle on devrait ou on aurait dû faire des manifestations et on ne l'a pas fait, ça aurait bien été des manifestations pour faire arrêter le shirk qui se produit dans les pays musulmans. Et même ça, c'est pas permis. Je dis pas que c'est permis de faire des manifestations, mais je dis si ces gens-là, ils avaient un minimum de raison, au lieu de faire des manifestations pour des choses qu'ils ne peuvent même pas changer, et pour des choses qui parfois ne sont pas prioritaires et fondamentales, ils auraient dû se concentrer sur le fait de combattre les manifestations qui sont des formes de shirk dans la société des pays musulmans. Dans certains pays musulmans aujourd'hui, il y a des pèlerinages qui se font chaque année, où il y a en moyenne 3 millions de musulmans qui viennent visiter des tombes et demander à des saints et égorger des animaux et faire le tawaf autour des tombes. Et ça se pratique annuellement et dans différentes régions et dans différents pays et à différentes dates de l'année. Donc comment, alors qu'on sait que c'est le plus grand des péchés, que c'est le plus grand crime, que c'est la chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pardonner de personne, comment on peut se taire devant ce qui se passe dans ces pays-là comme exemple de shirk et faire comme si rien n'était? Et après, ces soi-disant islamistes aujourd'hui font des manifestations, ils parlent de l'économie et des problèmes économiques et des problèmes politiques et de tous les autres problèmes qui se passent dans la société, et quand c'est le shirk, ils ne disent pas un mot. Ils ne disent rien du tout. Et même que parmi ceux-là, il y en a même qui défendent ces formes de shirk qui sont pratiquées dans les pays musulmans. Hein? Alors comment ces gens-là peuvent prétendre par la suite être en train d'appeler à l'islam ou être en train d'appeler à l'établissement de la charia dans les pays musulmans, alors que la base de la charia, qui est le tawhid, ils l'ont pris comme étant quelque chose de secondaire qui n'a aucune importance. Et ils regardent des gens faire le shirk devant eux, ils les voient devant eux avec leurs propres yeux et ils ne font rien. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien pour dire que cette chose-là est contraire à l'islam. Donc, de quelle da'wa font-ils ces gens-là? Et à quoi appellent-ils ces gens-là s'ils n'appellent même pas à la base de cet islam? Donc, ça c'est un exemple pour nous faire réfléchir, pour nous faire comprendre l'importance de cette da'wa, qui est la da'wa de tous les messagers d'Allah. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a mentionné les versets. Chaque fois qu'un messager arrive à son peuple, qu'est-ce qu'il dit en premier? Ubudullah ma'alakum min ilahin ghayruh. C'est la première chose qu'ils disent aux gens. Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Vous ne devez rien adorer en dehors de lui. Hein? Et comme on a mentionné dans l'autre verset qu'on a dit juste avant, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé dans chaque peuple un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc ça c'est la priorité. Ça, c'est la base. Hein? Maintenant, il y a des pays, on parle des pays qui sont musulmans, on a mentionné des exemples de shirk hein, qui se passent là-bas. Maintenant, si on regarde dans les pays non musulmans, les exemples de shirk sont encore plus nombreuses, sont encore plus grandes. Juste en commençant par ici, par exemple, en France, ou au Canada, ou ailleurs, dans les églises, les gens qui se mettent à genoux devant des croix, qui se mettent à genoux devant des statues, qui se mettent à genoux devant des images de Jésus ou de Marie ou des saints de l'Église catholique, et ils ont un saint pour chaque jour de l'année, et ils prient chaque fois, si quelqu'un est malade, ils prient saint un tel, si l'autre il a, par exemple, il a perdu quelque chose, il prie l'autre saint, il va l'aider à le retrouver, hein, ou bien le saint pour les pauvres, il y a un saint pour les riches, il y a un saint pour je sais pas quoi. Ça, c'est toutes des associés qu'ils ont donnés dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des formes de shirk. Et Isa alayhi salam, il n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais demandé aux hommes de faire ça. Il n'a jamais demandé aux gens de l'adorer lui-même, ou d'adorer des saints, ou d'adorer d'autres prophètes. Il n'a jamais ordonné ce genre de choses. Mais les gens, après Isa alayhi salam, ils ont déformé le message et ils ont changé la religion et c'est devenu, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, une religion basée sur l'idolâtrie. Hein? Et si on regarde dans les pays en Inde ou en Chine ou en Thaïlande ou bien au Japon ou ailleurs, la même chose. Des gens qui adorent des esprits, des gens qui adorent des statues, des gens qui adorent des idoles, des gens qui se prosternent devant ces choses-là. Encore aujourd'hui, on pense qu'on est à une époque évoluée. On pense qu'on est au XXe siècle et qu'on a découvert toutes sortes de choses scientifiques et que maintenant l'homme est allé sur la lune et que toutes ces formes d'idolâtrie et de superstition que les gens pratiquent aujourd'hui sont finies, sont oubliées. Non! Elles sont encore plus présentes aujourd'hui qu'avant. Et donc ça c'est un rappel pour nous que notre devoir en tant que musulmans, en premier de tout, c'est d'établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes et d'apprendre le tawhid et de l'enseigner et d'appeler les autres à ce tawhid. Alors les appeler à abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur faire comprendre que d'adorer ces choses-là, c'est futile et que c'est inutile. Ceux qui disent, par exemple, on les prend comme des intermédiaires et des intercesseurs pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est la base du shirk. Hein? Et ça, on va en mentionner des exemples dans les paroles du shaykh. Donc, le shaykh, il dit tout ça, c'est ces choses-là que les hommes adorent en dehors d'Allah, ils ne méritent rien de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est le droit d'Allah. Et c'est un de ses droits exclusifs. Il ne le partage avec personne d'autre. Et toutes ces autres choses que les hommes adorent, en dehors d'Allah, eh bien, elles sont elles-mêmes créées. Et elles sont elles-mêmes soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le shaykh, il dit, « Inna alladhina tad'ouna min dounillahi ibadun amthalukum. » Ça, c'est le verset 194 dans surat Al-A'raf. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ce sont eux-mêmes des esclaves, comme vous. Donc comment vous pouvez les adorer et comment vous pouvez leur demander quelque chose alors qu'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes? Donc s'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, ceux qui sont enterrés dans leur tombe et vers lesquels des millions de personnes se tournent pour leur demander des bienfaits ou des grâces ou des choses dans cette dunya, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'aider. Alors, comment ils pourraient aider les autres? Hein? Et il y en a parmi les gens de bid'a, d'égarement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent, si tu appelles un tel wali ou un tel saint, il va sortir de sa tombe, il va aller faire ce que tu lui as demandé, puis il va retourner dans sa tombe et il va attendre. Il y a des gens parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, c'est ça. Ils appellent les musulmans à ça. Et ils sont en train de dire aux musulmans que celui qui adore pas les awliya et les saints, il est kafir. Et que le vrai musulman, c'est celui qui adore les awliya Ils ont renversé la religion à l'envers. Ils ont fait du tawhid comme si c'était le shirk. Et ils ont fait du shirk comme si c'était le tawhid. Ils ont fait du kufr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Du kufr, l'islam, et de l'islam, du kufr. Ils ont renversé la religion à l'envers. Ils ont fait de la sunna une bid'a. Et de la bid'a une sunna. La religion pour eux est renversée complètement. Hein? La tête en bas. Et donc, Allah al-Musta'an, ça nous indique l'importance de vraiment bien apprendre notre religion comme il faut pour être capable de remettre les choses à leur place et pour comprendre les choses dans leur réalité. Et en particulier nous, puisqu'on vit dans des sociétés qui sont établies sur tout ce qui est contraire au fondement de l'islam. Je ne dis pas sur tout ce qui est contraire à l'islam, je dis sur tout ce qui est contraire au fondement de l'islam. Hein? Diamétriquement opposé à tout ce qui est fondamental dans la aqida et dans le tawhid. Donc le cheikh il dit ensuite, ibadun hum bihajatin ila Allah wa ila ibadatillah fa kayfa ya'buduna ma Allah subhanahu wa ta'ala faman sawwa makhluqan bil khaliq wa sarafa lahu shay'an min al ibadah faqad irtakaba a'zam al zulm. Qala ta'ala, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لغير مستحقها. Donc le cheikh il dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous-même, donc pourquoi vous les adorez? Eux-mêmes ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont besoin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment pouvez-vous les adorer avec Allah? Alors, il dit le cheikh, celui qui met à égalité une créature avec le créateur, il met le créateur et la créature à égalité, et il leur donne une forme d'adoration quelconque, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis la plus grande forme d'injustice qui soit. Il n'y a pas d'injustice plus grande que cette injustice-là. Hein? Et c'est quoi cette injustice? C'est de commettre le shirk, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Tu mets Allah, le Créateur et les créatures à égalité, puisque tu le donnes aux deux l'adoration. Le Cheikh, il mentionne le verset 13 dans Sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô mon fils, parce que Luqman il donne le conseil à son fils, il dit, ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah. N'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car certes, le shirk, c'est la plus grande des injustices. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Pourquoi? L'injustice, c'est quoi? C'est lorsque tu ne donnes pas quelque chose à la personne qui la mérite. C'est ça l'injustice. Et lorsque tu offres l'adoration qui est un droit exclusif d'Allah, tu la donnes à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as commis la plus grande forme d'injustice. فالواجب أن تكون العبادة لله وحده الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وأعز وأذل وأعطى ومنع وكل شيء بيده سبحانه وتعالى هذا هو الذي يستحق العبادة فالرسل جاءوا لهذا الأصل جاءوا لرد الناس من الشرك وعبادة الأصنام والمخلوقات إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها وأمروا بها وفي أول سورة من القرآن وهي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فكل من قرأ هذه السورة في صلاة أو غيرها يمر على هذه إياك نعبد وإياك نستعين. Donc le cheikh il dit que l'obligation c'est que l'adoration soit à Allah seul, parce que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui donne, c'est lui qui retient. Tout est entre sa main. n'y a personne d'autre qui peut faire ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi tu demandes à d'autres? Hein? Pourquoi tu demandes à d'autres? Les autres créatures, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Non. Hein? T'es d'accord? Demandez à n'importe qui, même à des chrétiens ou à d'autres qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-leur. Est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, il décide quelque chose, est-ce que Jésus peut l'empêcher? Ils vont dire non. Hein? Donc si c'est comme ça, alors pourquoi vous ne demandez pas à Allah directement, à Dieu? Hein? Et laissez de côté les créatures. Hein? Allahu al-musta'an. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, celui qui fait tout ça, qui contrôle tout et qui gère tout et qui fait tous ces actes de création et de donner la subsistance et de faire vivre et de faire mourir et ainsi de suite, c'est lui qui mérite l'adoration. Et les messagers d'Allah sont venus avec ce fondement-là. Et c'est la base. Ils sont venus pour ramener l'humanité au tawhid, les faire abandonner le shirk et l'adoration des idoles et l'adoration des créatures pour les ramener à l'adoration du Créateur, hein, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous a créés et qu'on a tous été créés. Et c'est pour cette raison-là. Lorsque les sahaba sont sortis de la péninsule arabe et qu'ils sont allés partout dans le monde entier, c'était ça leur priorité. C'était ça qu'ils avaient dans l'esprit. La première chose qu'ils avaient dans leur cœur, c'était quoi? C'est de libérer les hommes de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Les libérer du shirk. C'était ça leur priorité dans leur esprit. Il n'y avait rien d'autre. Hein? C'était la première chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Non seulement qu'il y a encore plein de pays dans le monde où les hommes adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont esclaves des idoles et de toutes sortes de tawarit qui sont adorés en dehors d'Allah, hein? Et quand on dit tawarit, c'est le shaitan et les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est parce que le mot tarot, des fois il est compris par les musulmans comme si pour certains le mot tarot c'est un dirigeant, hein? Alors que ça n'a rien à voir, hein? Le mot tarot dans la langue arabe, ça vient de tara, qui signifie de transgresser la limite. Hein? Et toute chose qui transgresse sa limite, que ce soit parmi les choses qui sont adorées ou obéies ou suivies dans ce qui est contraire à la religion d'Allah, on l'appelle un tarot. Hein? Et donc, les hommes adorent tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, on peut l'appeler tarot. Sauf si cette chose est adorée et qu'elle n'a pas accepté ou n'est pas satisfaite de cette adoration-là, dans ce cas-là, on ne l'appelle pas un tarot, puisque hein, elle n'a pas accepté cette adoration-là. Comme Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il est adoré par les hommes, mais il n'accepte pas ça, et il n'est pas satisfait de ça. Donc lui, il n'est pas un tarot. Celui qui est un tarot, c'est celui qui se fait adorer par les hommes et qui est satisfait d'être adoré par les hommes. Celui-là, on l'appelle un tarot. D'accord? Et ceux qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple qui adorent Isa alayhi salam, en réalité, c'est pas Isa qu'ils adorent. En réalité, ils adorent le shaytan. Ils adorent le shaytan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Est-ce que j'avais pas pris avec vous, ô fils d'Adam, l'engagement que vous n'alliez pas adorer le shaitan? Hein? Et donc ça c'est pour clarifier. Et donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes, on le retrouve encore aujourd'hui dans les pays des koufars et des mushrikines et des juifs et des chrétiens. On retrouve ces gens-là qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala encore aujourd'hui. Et non seulement ça, mais même dans les pays musulmans, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on retrouve des gens qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala encore, hein? Et ça c'est encore plus grave, puisque les sahaba ont conquis ces pays-là avec la bannière de la ilaha illallah pour détruire tout ce qu'il y avait comme shirk et pour ramener les hommes au tawhid. Maintenant, 1400 ans après, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces terres qui ont été établies et conquises sur le témoignage de la ilaha illallah? Des gens adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette da'wa des messagers, il faut qu'elle continue tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis que ça y est, après on dit, ah ça y est, c'est établi, le tawhid, il est dans les pays musulmans maintenant. Non. Puisque le shaytan, il ne perd jamais l'espoir d'être adoré. Et il ne perd jamais l'espoir d'égarer les hommes encore vers l'égarement et vers le shirk. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer cette situation? Et pour ramener les gens encore parmi les musulmans qui ont été déviés et qui se sont égarés du tawhid, pour les ramener au tawhid? Eh bien, ça demande de l'éducation, ça demande de l'enseignement, ça demande qu'il y ait de plus en plus des gens qui étudient cette religion et qu'ils l'enseignent dans sa réalité et qu'ils apprennent la aqida du tawhid et de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a et la aqida des salaf al-Salih pour l'enseigner correctement aux gens. Le cheikh, il dit que dans la première sourate, dans le Coran, lorsqu'on l'ouvre, le mushaf, on retrouve quoi? On retrouve surat al-Fatiha. Et dans surat al-Fatiha, on lit dans chaque prière, et même à l'extérieur des prières, on le récite parfois même, « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ». « Iyaka na'bud », ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est toi seul que nous adorons. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Iyaka na'bud ». C'est toi seulement qu'on adore. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Et c'est toi seul à qui on demande de nous aider. Donc ça, c'est le tawhid encore une fois. Hein? Il n'y a personne qui peut passer une journée sans réciter ce verset-là plusieurs fois. Yani. Dans chaque rak'a, il récite ça, s'il fait la salat. Le cheikh, il dit, قَالَ الْعُلَمَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ هَذَا عَهْدٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَنْ لَا يَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهِ ولا يستعين إلا به فأنت تعاهد الله كلما تقرأ هذه السورة تعاهد الله أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به فمن وفى بهذا العهد استحق من الله الإكرام في الدنيا والآخرة ونال الجزاء العظيم وصار من أهل الجنة وإن غدر بهذا العهد وعبد غير الله فإنه يكون خائنا لهذا العهد الذي عقده مع ربه سبحانه. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يشمل العهد مع الله ويشمل العهد مع الخلق فيجب الوفاء به فهذا التزام منك حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين التزام منك بأن تقوم بعبادة الله وحده لا شريك له وأن تترك عبادة ما سواه. Donc le cheikh explique, il dit que les ulama ont mentionné que quand tu dis إياك نعبد وإياك نستعين, c'est comme si tu prends un pacte, une entente avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pacte entre le serviteur et son Seigneur, qu'il ne va rien adorer excepté lui, et qu'il ne va pas chercher l'aide excepté de lui. Et donc, tu prends ce pacte avec Allah à chaque fois que tu récites cette sourate. Chaque fois que tu récites as-sourate, yani al-fatiha, tu prends un pacte, une entente avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne vas rien adorer excepté lui, et que tu ne vas pas chercher l'aide excepté de lui. Donc quiconque a respecté cette entente, alors il mérite d'être honoré par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'au-delà. Et il mérite d'atteindre la grande récompense qu'il a promis et il sera parmi les gens du paradis. Mais s'il trahit son entente, et qu'il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il a il a trahi ce pacte, hein, il a été un traître envers ce pacte qu'il a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 91 dans sourate An-Nahl, et respectez votre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous l'avez pris, et n'annulez pas ou ne brisez pas cette entente ou ce pacte après l'avoir confirmé. Et ça comprend les ententes et les pactes qu'on prend avec Allah subhanahu wa ta'ala, et les ententes qu'on prend également avec les créatures aussi. Lorsqu'on fait un contrat, hein, avec une créature, on doit la respecter aussi, de la même manière. Donc, lorsque tu dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », c'est la même chose. Tu prends une entente, tu prends un pacte avec Allah, hein? C'est comme si tu fais un contrat avec Allah et tu dois le respecter, hein? Et donc tu dois établir donc cette adoration pour Allah seul et ne rien associer avec lui, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit: كثيرون يقرؤون هذه الآية في صلاتهم وفي غيرها إياك نعبد وإياك نستعين ثم يذهبون يدعون الأولياء والصالحين والأضرحة والقبور والأموات والغائبين والجن والإنس فأين الوفاء بالعهد إياك نعبد وإياك نستعين تقول هذا بلسانك وتخالفه بأفعالك هل هذا إلا عين الغرور والمكر والخداع من الخلق ولكن وما يمكرون إلا بأنفسهم. Le cheikh, il dit qu'il y a beaucoup de gens, parmi les gens qui récitent ce verset dans leur salat et dans d'autres occasions également, ils disent: c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Puis par la suite, ils vont invoquer des saints et des awliya, hein, le wali un tel ou le stidi un tel, ils vont à la tombe, hein, ils vont à prier des morts ou demander à des gens absents. Il y en a parmi les gens qui sont dans des turq soufia, hein, et ils ont un cheikh dans leur pays et ils pensent que ce cheikh là il entend leur dua et puis il peut les aider peu importe où ils sont sur la terre. Et j'ai déjà rencontré même certains d'entre eux, des mourides comme ça, Allah al-musta'an. Il se promène avec la photo de son cheikh dans son portefeuille. Quand il a un malheur, il sort la photo, il regarde son cheikh, il fait des doigts. Hein. Il y a des exemples de bid'a et de shirkiyat qui sont pratiqués de la part des gens comme ça. Et ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et ça ne fait pas partie de l'islam. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: quand tu as un malheur, amène la photo de ton cheikh dans ta poche. Et après, quand tu as un problème, tu demandes à ton cheikh? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Est-ce que c'est écrit dans la sunna de faire ça? Nulle part. Où est-ce qu'ils ont ramené? Où est-ce qu'ils ont ramené ces choses? De quelle référence ils ont pris ça? De quelle source ils ont pris ça, excepté de la religion du shaitan? Hein? Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils adorent les tombes, ils adorent les morts, ils adorent les chouyours des turq soufia, hein, Allah al-musta'an, Tijaniya, Shadiliya, Saharwardiya, Boutchichiya, hein, et ça finit plus comme ça. Tu peux citer les noms des turq comme ça pendant des heures et des heures, tu vas pas t'arrêter, parce qu'il y en a trop. Chaque cheikh, il fait sa propre tariqa. Et chaque fois qu'il y en a un, il a fini de, quand il arrive, il devient plus vieux. Il a quitté la tariqa de son cheikh, maintenant il fait sa propre tariqa, hein, pour ramener des fidèles et des adeptes. Hein. Et c'est comme un cheikh, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il mentionnait justement, il dit comment ces gens-là, Allah al-Musta'an, dans certains pays, ils ramassent, ils deviennent les plus riches de leur ville, même des fois de leur pays. Et tu les vois, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Ils restent assis. Et il y en a parmi eux-mêmes, le cheikh il disait, il y en a parmi eux-mêmes, ils se vantent que leur main a jamais touché l'argent. Ils disent, moi, mes mains ont jamais touché l'argent. Eux, ils touchent pas l'argent, mais c'est les autres qui vont chercher l'argent pour lui et qui ramassent. Hein? Et lui, il devient riche, tu le vois en Mercedes, des choses comme ça. Et ils vivent aux dépens des gens. Hein? Et on en a vu comme ça, Allah al-Musta'an, un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est des exemples. Comment ces gens-là, ils trompent les gens. Et donc, comment quelqu'un qui dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » à chaque jour, il fait cette entente avec Allah. Et puis par la suite, il le dit avec sa langue et il contredit cette chose par ses actions. Est-ce que c'est pas ça le yani déjà la base, déjà quand quelqu'un il agit comme ça, c'est pas ça la plus grande forme de trahison, la plus grande sorte, hein, la plus grande forme de ruse et de moquerie? Comment quelqu'un peut agir comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Le cheikh il dit وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ. C'est-à-dire, ces gens-là, ils essaient de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne font que ruser contre eux-mêmes. Mais ils ne réalisent pas. Ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Le Cheikh dit, وَفِي أَوَّلِ نِدَا فِي الْقُرْآنِ أَوَّلُ أَمْرٍ فِي الْمُصْحَفِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون هذه الأمور لا تكون إلا من الله. إن الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا تسكنون على ظهرها وتمشون على ظهرها وتأكلون مما تنبته لكم والسماء بناء يعني سقفا للخلق يظلهم وينزل به المطر الذي به الحياة حياة الأجسام حياة النباتات حياة الحيوانات هذا المطر وجعل فيها الشمس والقمر والنجوم التي يعرفون بها مصالحهم ومنافعهم ويهتدون بها في أسفارهم ويستضيئون بها بضوء الشمس ويستنيرون بنور القمر ويهتدون بالنجوم في سيرهم وحساباتهم وأنزل من السماء ماء يعني من السحاب لأن كل ما علا وارتفع يسمى سماء والسماء بين السماء والأرض والسحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالله ينشئ السحاب ويوضع فيه الماء ثم يسوقه سبحانه وتعالى ويأمره بإنزال المطر إلى المكان الذي يريده الله له فأخرج به من الثمرات لم يحدد جميع الثمرات ما نعلمه وما لا نعلمه ما هو عندنا وما عند غيرنا على وجه الأرض كل هذا ناشئ عن هذا الماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلون وتنتفعون وتشترون. Donc le cheikh il continue à expliquer l'importance de l'adoration et du tawhid et il dit la première appel qui est faite dans le Coran, dans le mushaf, lorsqu'on ouvre le mushaf, la première appel c'est quoi? Ô vous qui avez cru, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, adorez, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, c'est l'ordre d'adorer Allah, hein? C'est le premier appel que Allah fait à l'humanité. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous puissiez avoir at-taqwa, pour que vous puissiez craindre Allah. Celui qui a fait pour vous de la terre comme un tapis et qui a fait pour vous, qui a fait le ciel comme une construction ou comme un toit pour vous et qui a fait descendre une eau du ciel par laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits comme une subsistance pour vous. Alors pourquoi vous lui donnez vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala des échos alors que vous savez tout ça? Yani. Et le cheikh il explique, il dit vous savez toutes ces choses que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait. Vous savez qu'il vous a créé, qu'il a créé ceux qui étaient là avant vous, hein, et qu'il a créé la terre pour vous comme un tapis. Vous habitez dessus, vous marchez dessus, et vous mangez de ce qui sort comme légumes et comme fruits dedans. Et le ciel, comme une construction, comme un toit qu'il a fait sur vous, qui vous couvre, hein, et qui vous donne de l'ombre. Et la pluie qui tombe du ciel, qui vous donne la, par laquelle il fait vivre les arbres et les plantes et les différentes créatures, les animaux. Et le soleil et la lune et les étoiles, par laquelle vous pouvez connaître qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon autour de vous, et que vous pouvez utiliser comme référence dans vos voyages la nuit, hein, et la lumière du soleil qui vous éclaire, et la lumière de la lune qui vous guide, et les étoiles également, que vous utilisez dans vos calculs aussi. Et il fait descendre également la pluie des nuages, hein, et en arabe, le cheikh il dit que tout ce qui est au-dessus, on l'appelle sama, en arabe, on l'appelle sama. Et donc, bien entendu, quand Allah dit qu'il fait descendre la pluie du ciel, c'est des nuages, hein, as-sahab. Donc, il dit, donc il fait descendre la pluie des nuages, il met dans ces nuages la pluie, l'eau, et il les amène à l'endroit où il veut, et il fait descendre la pluie à cet endroit-là. Donc, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, et il fait sortir de la terre toutes sortes de fruits, et il n'a pas désigné de façon spécifique de quel fruit il s'agit, mais c'est pour qu'on sache que ce sont tous les fruits qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, hein, peu importe où ça, où, à quel endroit sur terre, là où il y a des fruits, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les fait pousser, et c'est lui qui les fait sortir comme subsistance qu'on peut manger et qu'on peut utiliser comme bien pour comme un bien, ou bien qu'on peut acheter même dans les marchés. Des fois, hein, on reçoit des fruits qui n'existent même pas dans la région où on vit, ou qui ne poussent pas dans la saison dans laquelle on est, mais malgré tout on retrouve ces fruits là parce que ils poussent ailleurs et on les reçoit. Donc le cheikh il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا أَنْدَادًا يَعْنِي شُرَكَاء نُزَرَاء مُثَلَاء لِلَّهِ لِأَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَقَدْ جَعَلَ شَرِيكًا لَهُ مُسَاوِيًا لِلَّهِ وَشَبِيهًا لِلَّهِ وَهَلْ جَلَّ وَعَلَى لَهُ شَبِيهٌ وَهَلْ لَهُ مَثِيلٌ وَهَلْ يُسَاوَى بِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهل هذه المعبودات من دون الله هل هي فعلت شيئا من الأمور وخلقت ورزقت وأنزلت المطر وسخرت ما في السماوات وما في الأرض هل خلقت شيئا قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Donc le cheikh il dit, alors si vous êtes d'accord avec tout ça, et si vous êtes d'accord que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces choses et qui les fait, alors comment pouvez-vous lui donner des égaux, hein? Al-andad, andad ça veut dire des partenaires, des égaux, des semblables, hein? Comment pouvez-vous donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et des semblables, et vous leur offrez l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous faites du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en leur donnant ses associés ou ses en lui donnant ses intermédiaires. Donc vous faites de ces créatures des égaux que vous mettez à égalité avec Allah, ou que vous faites ressembler à Allah. Hein? Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a une ressemblance ou une quelque chose qui est comparable? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être égal à lui? Hein? Est-ce que c'est toutes ces choses-là en dehors d'Allah que les hommes adorent? Est-ce qu'elles peuvent créer quelque chose? Est-ce qu'elles ont fait quelque chose de ce que Allah a mentionné dans ce verset? Est-ce qu'elles ont donné le risque? Est-ce qu'elles font descendre la pluie? Est-ce qu'elles ont assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Est-ce qu'elles ont créé quelque chose? Hein? Donc le cheikh il mentionne le verset 4 dans sourate Al-Ahqaf, dans lequel il dit au Muhammad, à ces gens, à ces mushrikins, parce qu'à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikins de Quraysh, ils étaient d'accord déjà avec toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces versets pour les faire réfléchir sur l'absurdité de ce qu'ils sont en train de faire comme adoration d'autre que Allah et comme shirk. Parce que les mushrikoun de Quraysh, ils étaient d'accord avec tout ça. Que c'est Allah qui fait descendre la pluie, que c'est Allah qui fait vivre et qui fait mourir, que c'est Allah qui crée tout. Ils acceptaient tout ça. Alors à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, alors ne donnez pas des échos avec Allah alors que vous savez. Puisque si vous savez tout ça et que vous quand même, malgré ça, vous faites le shirk et que vous vous associez avec Allah, alors dans ce cas-là, vous faites une injustice et vous êtes en train de vous contredire. Et il mentionne donc le verset 4 dans Surat Al-Ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah, hein, parmi les idoles et les autres choses? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux mushrikin, Aruni mada khalaqu min al-ard. Montrez-moi ce que ces idoles ou que ces choses que vous adorez ont créé de la terre. Et Ali, j'ai lu dans un livre une fois que dans certains pays musulmans, lorsque il y a dans une région un wali et que les gens veulent avoir une bonne récolte, ils vont aller égorger des moutons pour le wali, pour que la récolte soit bonne. Hein? Le cheikh, il mentionne donc ce verset. Aruni mada khalaqu min al-ard. Est-ce que ce sont ces awliyas qui ont créé la terre? Est-ce que ce sont eux qui ont fait descendre la pluie? Hein? Donc, Aruni mada khalaqu min al-ard. Am lahum shirkun fi as-samawat? Est-ce qu'ils détiennent une portion de ce que Allah a créé dans l'univers? Est-ce qu'ils ont un morceau qui est à eux? Est-ce qu'ils ont même un atome dans cette création qui leur appartient, sur lequel ils ont un pouvoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ituni bi kitabin min qabli hada. Amenez-moi un livre qui était révélé avant celui-là. Ou atharatin min ilm, ou un reste de science, une trace de science, si vous êtes véridique. فهذه المعبودات لا تخلق شيئا. وهذا من اعتراف المشركين انها لم تخلق شيئا ولم تفعل من هذه الامور شيئا. فلهذا قال وانتم تعلمون انها لا تستحق العباده وانها لم تخلق ولم ترزق ولن تدبر شيئا من هذه التدابير الكونيه ابدا. فهذا كله بتدبير الله وخلق الله سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق العباده. Donc le cheikh il dit, toutes ces choses que vous adorez, elles n'ont rien créé, elles ne peuvent rien créer, et ça vous le reconnaissez vous-même qu'elles ne peuvent rien créer, qu'elles ne peuvent rien donner comme subsistance et qu'elles ne gèrent rien dans la création. Toutes ces choses là qui sont créées dans l'univers, elles ne contrôlent rien de ça. Toutes ces choses là sont créées et gérées par Allah seul, donc c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Imaginez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où il est venu avec la da'wa du tawhid, avec l'islam. Lorsqu'il est arrivé, les gens adoraient encore les idoles. Et lui, il était devant la Kaaba et il appelait les gens à la ilaha illallah. Hein? Eh bien, il leur disait, comment vous adorez ces choses? Comment vous adorez ces idoles? Elles n'ont rien créé, elles ne peuvent rien créer. Et eux, les mushrikoun, ils niaient pas ça. Parce qu'ils savent que ces statues, ces roches, ces pierres, et les autres choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils savent qu'elles ne peuvent rien créer. Demandez à un chrétien, demandez à un hindou, demandez à n'importe qui aujourd'hui qui se prosterne devant une idole ou qui se met à genoux devant une statue ou une croix. Est-ce que vous croyez que cette chose-là peut créer? Et ils vont vous dire non. Mais ils disent non, nous on utilise ces choses-là comme un point de repère pour nos prières, pour nos adorations, pour se concentrer mieux. Hein? Ou bien ils vont dire que, comme les hindous ou d'autres, les bouddhistes, qu'ils croient que Dieu est tout. Donc, ils croient que Dieu est à l'intérieur de cette statue. Comme certains parmi des gens qui se disent musulmans aujourd'hui et qui suivent des croyances de certains soufis, hein, qui croient en wahdatul wujud. Wahdatul wujud, c'est-à-dire comme des soufis comme Ibn Arabi ou Al-Hallaj ou d'autres parmi les hérétiques qui croient que Dieu est en toutes choses et qu'il se mélange avec sa création. Donc eux, ils ont la même croyance, les hindous. Et en fait, ces soufis, ils ont pris ces croyances des hindous et des bouddhistes. Hein? Et donc, ils ont interprété l'islam à la lumière de ces fausses croyances. Hein? Et donc, maintenant, ils croient que ce qu'ils adorent en adorant ces statues-là, c'est Allah. À travers, ils prennent ces points-là comme des points de repère pour adorer Allah. Et c'est ça la base du shirk. Même s'ils essaient de rationaliser le shirk, ça reste du shirk. Peu importe que tu essaies de l'expliquer d'une manière logique ou d'une manière intelligente, ça reste du shirk quand même. Hein? Et donc c'est quelque chose qui est rejeté. Et c'est ça que les messagers d'Allah sont venus combattre. Le shaykh il dit ensuite, et on va bientôt terminer, le shaykh il dit « وَأَمَّا مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَإِنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ بِاللَّهِ وَعَدَلَهُ بِاللَّهِ وَشَبَّهَهُ بِاللَّهِ وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ إذا دخلوا في النار يقولون لمن عبدوهم في الدنيا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يعترفون حين ذاك ولكن لا ينفع الاعتراف في ذاك الموقف وإنما هذا من باب التحسر والعياذ بالله والتأسف على ما حصل منهم وفيه موعظة لمن سمع هذا الخير. Le cheikh à notre époque maintenant, subhanallah, vous avez des musulmans dans les familles, là il y a la grand-mère, quand elle a un problème elle va voir le sidi foulant dans sa tombe, et elle apprend ça à ses petits-enfants quand ils sont tout petits, peut-être même quand elle va sortir à la tombe elle amène son petit-fils ou sa petite-fille avec elle pour aller à la tombe. Et les enfants, ils grandissent avec ça. Et ça devient quelque chose comme ça, de père en fils. Hein? Le shirk est pratiqué et enseigné. Et donc, c'est pour ça. C'est important de comprendre ces questions-là. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la da'wa au tawhid à son époque, hein, il est allé contre toutes les notions, toutes les bases de sa société. C'est-à-dire qu'à son époque, c'était quelque chose qui était ancré dans la société. C'était quelque chose qui faisait partie de la culture, de la tradition, de toutes les mœurs de la société, de la vie des gens. C'est quelque chose qui faisait partie de tout. Et allez voir aujourd'hui les hindous en Inde, c'est la même chose. Pour eux, le shirk, c'est entré dans leur vie, dans tous les moindres détails de leur existence. Ça fait partie de leur culture et de leur tradition. Si tu critiques ça, si tu combats ça, c'est comme si tu combats leur vie entière. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la chose qui était la plus chère pour eux, la plus importante pour eux dans leur vie sociale. C'était le shirk. C'était le centre de leur vie. C'était leur centre de leur économie. C'était le centre de leur politique. C'était le centre de tout ce qu'ils avaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé là-dessus en premier. Parce que c'est la base de l'égarement. C'est la base de la mécréance. Hein? Il n'a pas dit, ah, je vais commencer à parler d'autres choses pour attirer les gens en premier. Puis lorsque les gens vont m'écouter, là après je vais leur parler du tawhid. Non, il a commencé directement avec la base, directement avec le tawhid. Aujourd'hui, on a des musulmans, Allah al-Musta'an, qui disent qu'ils appellent à l'islam. Ils disent, non, on ne veut pas parler de tawhid, ça va faire fuir les gens. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils prennent les gens pour des abrutis. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Hein? Et même des fois, Allah al-Musta'an, dans certains endroits, ils disent aux gens, quand vous allez dans telle ou telle place, dites pas aux gens des choses sur le tawhid, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur esprit n'est pas encore assez élevé, développé. Quoi, vous pensez que les gens ne sont pas capables de comprendre les bases de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu enseigner ça aux gens de Quraysh à la base. C'était pas tous des gens éduqués. Il y avait des gens parmi eux qui étaient simples, il y avait même des esclaves. Et c'était eux les premiers qui ont accepté le tawhid et l'islam. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un doctorat pour comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, souvent c'était les gens les plus simples de la société qui acceptaient la vérité en premier. Parce que les autres, ils étaient trop enflés d'orgueil et trop bien enracinés dans le système du shirk pour l'accepter et pour être humble et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis. Les gens sont capables de comprendre si on leur donne la chance de comprendre et si on leur explique. Hein? Et les gens sont capables de comprendre des choses beaucoup plus compliquées que ça. Quand ils écoutent chez eux à la télé toutes sortes de choses contraires à l'islam, hein, des choses de philosophie et tout, et ils comprennent, hein, tout ce qui se passe dans le monde. Mais quand tu rentres à la mosquée, des gens te disent, parle pas de tawhid, parle pas de aqidah, parle pas des fondements de l'islam, parle pas de la salafia, parle pas de la sunna. Alors dans ce cas-là, on prend les gens pour quoi? On prend les gens pour du bétail, qu'on prend puis qu'on guide comme ça à l'aveuglette? Non. Il faut éduquer les gens. Il faut faire comprendre aux gens cette religion-là avec le Coran et avec la Sunna et avec les explications des ulama de l'islam. Et les gens, si on leur explique comme il faut, les gens vont comprendre. Alhamdulillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les gens. Et c'est de cette façon-là qu'il faut faire. Et il ne faut pas sous-estimer les gens. Les gens sont capables de comprendre. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi cette da'wah et il a appelé les gens au tawhid et il a attaqué le shirk. En commençant sa da'wah, il a commencé de cette manière-là. Et on voit aujourd'hui le résultat. Ça a commencé avec un homme et regardez aujourd'hui. On est ici maintenant à Marseille ou à Aix-en-Provence en train de parler du tawhid, en train d'enseigner la base de la religion des messagers d'Allah. Et de l'expliquer dans une mosquée d'Allah. Donc ça c'est l'explication, donc c'est l'importance. Et c'est ça qui fait revivre les cœurs des hommes. C'est le tawhid qui fait revivre le cœur des hommes. C'est le tawhid qui fait revivre les musulmans et qui leur fait réaliser l'importance du message qu'ils portent. Et la grandeur de la responsabilité qu'ils ont envers eux-mêmes et envers les autres peuples qu'ils doivent invités à l'islam et à qui ils doivent faire comprendre l'islam. L'islam, c'est pas quelque chose de culturel, c'est pas quelque chose qui se limite à une origine ou à un peuple pour dire nous on vient de telle origine donc on est musulman. Non, l'islam c'est le tawhid et c'est pour tous les peuples de l'humanité. Tous doivent accepter le tawhid sans exception. C'est pas seulement un peuple en dehors d'un autre. Donc ça c'est très important à comprendre aussi. Et donc, peut-être que la batterie est finie. Et non. Non, ça marche. Attends, non, ça marche pas. Ok, là ça marche. طيب. Ok. Donc c'est bon. Non, je pense qu'il y a un problème de batterie là. La technologie. Il y a les pour, il y a les contre. Attends. Laisser comme ça. Soyez. Ok, ça fonctionne. Soyez. Donc on va terminer, inshallah. Le cheikh il dit, en ce qui concerne ce qui est adoré, ou celui qui est adoré, d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, que ce soit quelque chose de vivant ou de mort, alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a mis ou qu'il a donné à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et qu'il a yani, fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose ou qu'il a essayé d'équivaloir Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres créatures. Et c'est pour ça que les mushrikoun, une fois qu'ils seront entrés dans l'enfer, ul'iyadu billah, ils vont dire à ceux qu'ils adoraient dans la dunya, donc par exemple tous les gens qui ont adoré des idoles quand ils étaient dans cette vie, une fois qu'ils seront dans l'enfer, ils vont dire à leurs idoles ou aux choses qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, des Tallah, ils vont jurer par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. Comment ils les mettaient à égalité avec le Seigneur des mondes? C'est dans l'adoration, c'est en leur offrant l'adoration, puisque l'adoration c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui adore d'autre que Allah, qui offre une forme quelconque d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il met cette créature à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, à ce moment-là, ils vont reconnaître ce qu'ils faisaient de shirk et d'égarement. Et le cheikh il dit, mais à ce moment-là, le fait qu'ils le reconnaissent, ça n'aura aucune utilité pour eux à ce moment-là. Et ce sera uniquement pour eux comme une sorte de regret, hein, un genre de remords, wal'iyadu billah, du fait qu'ils vont réaliser que ce qu'ils faisaient, c'était complètement faux. Hein? Donc le cheikh il dit, وفيه موعظة له أن يحذر وأن يبتعد. Donc celui qui entend ça, l'exemple des mushrikoun qui sont dans l'enfer et qui disent cette parole, ça va être pour lui comme une genre d'exhortation pour lui et une leçon pour faire attention et pour s'écarter, pour ne pas être dans la même situation que les mushrikoun au jour de la résurrection. Tallah inna kunna لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون دعاة السوء ودعاة الضلال وإلا لو اتبعوا الرسل واتبعوا الأنبياء لعرفوا الحق وعملوا به فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وما أحد حين ذاك يشفع لهم عند الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين المشرك والكافر لا تقبل منه الشفاعة وإنما الشفاعة خاصة بالمؤمنين لمن أذن الله جل وعلا أن يشفع فيه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة يعني رجوع إلى الدنيا يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا حتى يعدلوا من سلوكهم ويرجعوا إلى صوابهم فنكون من المؤمنين وهذا من التمني وهو من المستحيل وهو من باب التحصر والعياذ بالله. Donc le cheikh il continue le verset 97 à 99 dans Surat Ash-Shu'ara. Il dit donc, ils jurent, les mushrikoun jurent par Allah, ils disent, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur de l'univers ou le Seigneur des mondes. Et ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. Le cheikh, il dit, ce sont les gens qui appellent au mal et qui appellent à l'égarement. Sinon, s'ils avaient suivi les messagers et qu'ils avaient suivi les prophètes, ils auraient connu la vérité et ils l'auraient appliquée. فما لنا من شافعين. C'est-à-dire, nous n'avons aucun intercesseur ce jour-là. Ils ne trouvent personne pour intercéder en leur faveur. Hein? ولا صديق حميم. Ni ami chaleureux. Hein? Ce jour-là, c'est fini. وما أحد حين ذاك يشفع لهم. Il n'y a personne qui va pouvoir aller intercéder pour eux au jour de la résurrection. Et il mentionne le verset 40, 48 dans Surat Al-Muddathir. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. C'est-à-dire, l'intercession des intercesseurs ne leur profitera en rien. Ils ne pourront pas avoir d'intercession, ceux-là. Le cheikh, il dit, parce que le mushrik et le kafir, on n'accepte pas son intercession. On n'accepte pas qu'il y ait une intercession pour lui. L'intercession, c'est uniquement pour les croyants. C'est uniquement pour les croyants, les mu'minoun, les muwahhidoun. Ceux qui sont sur le tawhid et qui n'ont jamais fait de shirk ou de kufr. Donc ceux-là, ils pourront profiter de l'intercession des messagers s'ils ont commis des péchés ou s'ils ont fait des grands péchés ou des choses de ce genre. Ils pourront profiter de l'intercession des messagers. Mais les autres, les mushrikoun, les kuffar, ceux qui ont associé avec Allah ou qui ont nié la religion d'Allah, ceux-là, ils ne pourront pas avoir l'intercession au jour de la résurrection. Parce que l'intercession, elle est spécifique aux croyants et à ceux pour qui Allah a donné la permission, c'est-à-dire ceux qui étaient sur le tawhid, un yashfa'afi. Donc on ne pourra pas intercéder pour les kuffars et les mushrikins. Fama lana min shafi'in. Nous n'avons pas d'intercesseur. Wala sadiqin hamim. Et non plus d'amis chaleureux. Falaw anna lana karra. Si seulement on pourrait avoir un retour. Là, les mushrikoun, ils souhaitent qu'ils pourraient revenir dans cette vie pour recommencer une fois encore leur vie pour éviter de tomber dans le shirk et d'être sur le tawhid. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ils souhaiteraient revenir dans la dunya après leur mort pour pouvoir revenir sur dans cette vie pour corriger leur comportement et revenir à qu'est-ce qui est correct. Mais, il dit, فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et pour qu'on puisse être parmi les croyants. Et le cheikh, il dit, ça c'est seulement des souhaits, ou des choses qu'il souhaite, ou des faux espoirs. Hein? Et c'est impossible. Hein? Et donc ça fait partie des remords qu'ils ont ce moment-là. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Parce qu'une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. Il ne peut plus revenir dans cette vie pour se corriger par la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. On espère que on a profité donc de qu'est-ce qui était mentionné dans cette conférence comme explication et clarification du tawhid et de l'adoration. Mais même si pour la plupart d'entre nous c'est un rappel, parce que la plupart d'entre nous on connaît déjà ces choses-là, mais c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose d'important qu'on s'en rappelle régulièrement et qu'on se motive tous les uns les autres à apprendre et à comprendre ces questions-là. Et inshallah, ça peut être des choses qu'on peut utiliser lorsqu'on parle avec des non-musulmans, de leur faire comprendre que l'islam c'est le tawhid et que la base de l'islam c'est le tawhid. Il n'y a rien de plus important que ça là-dedans, et de leur donner les arguments de l'islam en se concentrant sur ça. Et que s'ils acceptent le tawhid, après ils vont accepter le reste. Mais s'ils acceptent le reste, mais qu'ils n'ont pas accepté le tawhid, ça ne leur servira à rien. Donc, inshallah, on espère que Allah accepte de nous. Barakallahu fikum, et après demain, inshallah. Fikum barakallahu fikum.